faking your own rap. I think you're faking a funk. You're faking a funk. Yo, you're faking a funk. BattleSonic.8k.com BattleSonic2003 de este añito, donde va a estar la visita especial de Cuyo, Crazy Cuyo. Y ya saben, chequen más info en absurdasonora.tk o BattleSonic.8k.com o sabotajemexica.4t.com. Algo de breakbeat para mi gente. Paz. Y hasta que se te traiga otra vez acá. absurdasonora.tk. Uno, dos. Music, please. Breakbeat para mi gente. I'm esa aventura en un momento. Comme avant, je nique tout, ma section, rap survivant, la vérité c'est tout, pas de fioriture, je suis pas sous couverture ni né d'hier. Je veux faire un avenir clair pour mon frère et sœur fier. B-boy, DJ, graph, micro, breakdance, le son de la rue n'est pas rap, Merco Benz, mon rêve, mais j'ai que mes cortex, style de crève, en furie donne toi rap à l'aise, sur des fraises, attisées par nos ennemis, les disciples du diable, dissimulés sous des apparences respectables. Placé au sein d'un système pourri, fâché au escroc, encore sa cravate, comme a dit Mickey. Un pour ma famille, deux pour mon groupe d'arrachés, trois, quatre pour la rage et la jeunesse en danger. C'est gain à la docolité, mon mic pour une reggae night. Boss light en fumée, FFP fumé, pour profile. Écoute, rap, j'aime quand père célèbre, cherchez, nous verrez en BMRC. Au fond, c'est le quai d'or, c'est ma merci. Tout ce que j'ai à ce jour, autant nous sortir de là. Avant de gagner l'au-delà, c'est ça, y'a urgence. Sa urgence est en chaotique, vis éclectique, ambiance électrique, qui chiffre tactique, qui dit que 9-8 sera une bonne année à voir comment les jours de l'an se finissent. Y'a danger, tu sais la danger. Contre ce pays, tu peux la comprendre. Si ta vie, c'est du mal, il y a des gens qui a des sens, tu t'as faire des sables. Dans ce cadre de vie maudite, que ce soit pour avoir voulu sortir, m'en de taudis, j'en dis. Si sacrifices valent bien le prix de ma vie, qu'est-ce qu'elle vaut? Hormis rap sec, c'est pas beau, je vous l'avoue, c'est pas une perte pour la société. À part les proches, les vrais, qui sera là pour me regretter. Tu veux la FF, la DFF, des francs français pour du grand par la crème du rap français. Je tente ma chance, j'ai plus rien à perdre comme loup, je suis condamné à vivre de la merde si j'échoue. J'ai jamais été le premier de la classe, ma mère s'est toujours battue. Pour pas que je finisse à la dame, et là j'espère quand même pas bien. 9-8, AM6, plus les poétiques. Certaines disent que la gueule de Glover. Avec les femmes, je suis pas un lover. Au mic, c'est gamme over, freestyle. Pour faire faire freestyle, dans le paysage français. Texte vrai et sensé, écrit par des jeunes délaissés. Pour ma famille, Zalika, les malaïkas. Pour veiller sur nous, éloigner tous les jaloux. Les gens lous, qui lousent parce que notre hip-hop fait mousse. Gagez tous toi ce qu'il faut, montre-nous ce que tu vaux. Avant de critiquer, communiquer sur notre dos. Les beaux groupes prennent la butte et c'est du nique-tout. C'est pas des tours, on vit dans un monde de vautours. Hip-hop 98, une porte de secours. Là où on vit, on fait chier ça. Pas falsé, le hip-hop, ma vie c'est ça. Souvent habillé pareil, comme fringoligan. Peut-être polygame, garnement, certainement hooligan. M hors du commun, ça y est sur mesure commun. Costume d'un dompté, comme un acte de grande cruauté selon Ponygel. Arme à la main, hyper culotté à la Dark Angel. Entendu. Du béton, je veux mon dû. 98 relations tendues, mon dieu, de mon temps. Tout ce qui compte, c'est donner le temps, il compte en même temps. Je raconte pas de compte pour enfant ça, je heurte gravement. Histoire voir le nom FF, travers noir sur un monument. Élément haineux, par moments respectueux. Pour rendre richement, avec des mots, faut le rap luxueux, sûrement. Le hip-hop de rue doit finir ancré historiquement. FF, c'est pas les gens. Hystériquement le sang, on a ça dans le sang. On sent plus de sang, sensation et verbe à sang. On met tout à façon, FF rapport norme. Hors tout, question d'or faire. Rime hors faire, c'est des gens d'or faire. It's the return of the welfare. It's the return of the welfare. Combien de MC se présente? Combien de MC sur la porte? Quel est le NASCAR à la méga chasse? Méga clash pour tous les fans. Hip hop en fuite, un vrai match. Sur le micro, c'est la guerre. Tous les frères crachent, l'éclairage vénère. L'air est dense dans l'atmosphère. Armada de Garfada catapulté sur le mic. Style de carré, bien carré, phrase éparée. Organisé comme un commando. La vérité sort de la bouche des flandos. Sorti des landos, en radeau sur les radios. Un peu de west-west pour le HH. Un prophète qu'à l'arrache. Intro dans le sillage, lâche. Qui joue à cache-cache, le crime paye, le hip-hop paye. Le hip-hop offre un destin pour certains. Y'a même de quoi souffrir un festin. Faire des prix, sortir de ma vie. Y'a pas de raison, si t'as le bon sens. Pas de barrière, pas de poison. Braque le sopo, passe un des feuilles. Mate les topos, rasco. Voilà du mini-co, comprends le micro. Oui ma beat, speak, j'amène du cash dans les plans chauds. La rime se dit, fasse mon beat show. Fais des MC in vitro, squeeze the beat Manolo. Des shadows, envoie la bise, introduise le micro. Guerre de tes filles, bagarre de clan, rasco. Cerveau irradié, tapis et pillé. Tout le monde se pousse dans le sablier. Des voix c'est nada fada. Beaucoup de candidats pour presque d'élu. On voit un maxi qui me dit à ses parois, péloton du. C'est la même s'il fera peine. On met les mics de baisse, une petite baisse, les têtes viennent de s'éponger des belles baisses. C'est hip hop tue, quatre killers, dealers, leur skillé. Y'a les vis qui fait les cendres de leur sexe déboulé. Il est l'art des gens qui parfois fait de l'argent. Bien souvent l'art des gens qui naissent et meurent sans un grand. Il est la rue et tout ce qu'elle comporte. Un 9-9-8, c'est PDA, place pour Delta, pour le roi ton effort. Mon nom explose comme Coca-Cola. Comme vin, je chèque. L'Afrique a été crade, débat. Toc, toc, piston. Passe-moi le plafond et casse-toi. Une rap casse à Walt, lentement à part. Paniqué, ferme-la. Et mon coup de fourrure, chinchilla. Mes forces d'équipe, je m'occupe, c'est chala. Pas de couille, j'ai des boules, plusieurs patrouilles. La suite, une suite en zigzag. Même si j'ai pris une fuite, personne ne m'a alpaille. Direct au cœur, sans beau, je sens bien, samba, rumba. Rentre par la porte de derrière comme un affranchi. Habillé au portier comme ça y a pas de chichi. Tu sais qui je suis. Une boulette de shit dans la poche pour choper une meuf shit chaude. Je suis ton chéqué. Si t'es choqué, je vais te porter. Chaud lapin. Killer, wesh. Direct live du nouvel Eldorado, Bobigny, Méca du Cœur à l'île de France, Aldojo du Damier, collectif pour tous les flow incisif, tu cherches l'excellence. 9-3, nouvel indicatif, vindicatif, nos chemins le seront jusqu'à l'explosion, flow et 9 flambant. Carreau se fait garçon, la retourne droit, et rentre direct dans ton rue, tu veux la quintessence. T'as l'enveloppe, mais manque le chic, MN, le calvic, ça pas basse. Tu es mes faces, qui le fait gars, fixe ça, un maison, mais pour l'heure, je kiffe ça, nique ta brouella. 8 équipes en 9-8, couture inverbale de la part des sauces, et ce qui représente la dalle, les plus au top, petit partenaire d'Undone. Mais tu osmos, faut la fara, ta mini là. Ménélix, la plus cachée, bien que le nom tiré, je serai toujours la faisant sûr pour t'infliger le son tu mérites. 2009-8, qui fait le qui confond. 4x4 au-dessus. Gracias a la ciencia por los silicones. Dime cuánto tiempo más te estarás fingiendo. galaxia se encuentra de repente atrapado dentro de ella. ¿Qué tal, gente? Este es el TFX-32, Sabotaje Mexica, representando a la vieja guardia. Otra vez acá, en Guadalajara, solamente para invitarlos, para hacerles el reto anual, que ya se la saben. Año tras año, nos estamos viendo en Battle Sonic, ahí en la Ciudad de México. El Barber Club de Guadalajara, Ciudad Juárez, claro, el Distrito Federal, gente de Morelia, de León, de Torreón, de Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, patrocinado por Absurda Sonora en parte. Y si quieren más info, chequen en Battle Sonic. .8k.com Battlesonic 2003 de este añito, donde va a estar la visita especial de Cuyo, Crazy Cuyo. Y ya saben, chequen más info en absurdasonora.tk o battlesonic.8k.com o sabotajemexica.4t.com. Algo de breakbeat para mi gente. Paz. Otra vez acá. Absurdasonora.tk. Uno, dos. Music, please. Breakbeat para mi gente. Boogie Jam Slam. Jazzy. Hey! Groovy. Boogie Woogie Jam Slam. Jazzy. Jazzy. Hey! The jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers in disaster. Boo poo ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, star I might be. Scribble dabble scrabble on the microphone, I babble as I put the funky words into a person. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, dip Bantuja. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more. Off that funky horn. Living condition. So make a feel about the living condition. de salida fue su vida hasta el fin de sus días. Quería y no pudo acceder a esta sociedad que lo hizo chacer. Yo me trobo bajo tierra en fosa común, sueña eternamente en su ataúd. Con cuidado tenés que andar. Como este tipo podés terminar, pensalo bien antes de buscar roña. De los gusanos puede ser carroña. Cuando son fuego fatuo, ¿sabes qué pasa? Ahora es tu casa. Rápida no la verás. En el cementerio juego parkour serás. Es rápida no la verás. En el cementerio juego parkour serás. Es rápida no la verás. En el cementerio juego parkour serás. Es rápida no la verás. Atrapado dentro de ella. ¿Qué tal, gente? Este es el IEAC-732, Sabotaje Mexica, representando a la vieja guardia. Otra vez acá, en Guadalajara, solamente para invitarlos, para hacerles el reto anual. Y ya se la saben, año tras año, nos estamos viendo en Battle Sonic, ahí en la Ciudad de México. Nueva Cruz de Guadalajara, Ciudad Juárez, claro, el Distrito Federal, gente de Morelia, de León, de Torreón, de Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey, patrocinado por Absurda Sonora en parte. Y si quieren más info, chequen en battlesonic.8k.com, Battle Sonic 2003, de este añito, donde va a estar la visita especial de Cuyo, Crazy Cuyo. Y ya saben, chequen más info en absurdasonora.tk o battlesonic.8k.com o sabotajemexica.4t.com. Algo de breakbeat para mi gente. Paz. Y es excelente. Y es excelente. Otra vez acá. absurdasonora.tk. Uno, dos. Music, please. Breakbeat para mi gente. I'm como una marca, ¿por qué? No lo sé, solo hago lo que me corresponde. Título de nobleza tengo como la de un conde. Estoy listo cuando tomo un micro, quebrar un acto elegido que intenta dar el buen ritmo. Hip hop adaptado a cualquier estilo, es justo lo que necesito para dar servicio. Tú sabes, esta es mi tierra, esto es lo mío, y como un francotirador yo estoy preparado, porque solo existe un gerato de manejar el estilo exacto. Melodía hardcore, tú eres el blanco que tengo en la mira. Marca tu línea, será mejor que tomes tus precauciones cuando invoques a el fin de espía. Cuidado, mejor camina en un lugar seguro. Ya que cada esquina, que paso hago práctica mi teoría, aplicando la vieja rutina, dominando el estilo cuando hablo en las calles de mi vida. La multitud más mira cuando improviso en lo más profundo de un callejón sin salida, lleno de basura con algunas piezas trazadas por artistas escritores que han dejado el rastro a escondida. Estrategia, estilo crudo, que manejo con paciencia. ¿Quiénes serán los jueces? Por